Bonjour Serena. Bonjour Paula. Aujourd'hui, nous allons faire le top cruise du meilleur méchant. C'est le top cruise. Alors Serena, ce top cruise du meilleur méchant, qu'est-ce que c'est? Eh oui, qu'est-ce que c'est? Bon, le méchant, c'est celui qui n'est pas gentil. Oui, mais surtout, comment dire, c'est un méchant qui a une opposition à Tom Cruise. C'est l'antagoniste. Ouais. C'est pas Tom Cruise méchant parce qu'il a fait des rôles. Donc ça pourrait. Mais bon, j'ai choisi de choisi, pas le faire parce qu'il en a pas fait beaucoup et oui. C'est plus intéressant de choisir quand il y a des vrais méchants. Donc j'ai choisi des méchants. Voilà. Bon, ben je vous dirai. Des vilains. Alors au numéro 3, j'ai mis Jim Phelps, John Boyd, je ne sais pas comment on dit, qui est le méchant de Mission Impossible 1, qui est pour moi génialissime parce que c'était les gentils dans la série oui. Et ils l'ont transformé en méchant et ils l'ont tué pour laisser la place à Tom Cruise. Si ça, c'est pas... Et en plus, c'était un vrai coup de théâtre. Parce que hésité avec d'autres méchants d'Émission Impossible et tout. Mais tu sais qui c'est, t'attends les retournements des trucs. Lui, c'était vraiment surprenant. Ah oui, puis à l'époque, en plus, ça avait vraiment fait genre quoi, ils ont osé faire ça, ils ont cassé la série, alors que tout le monde s'en foutait de la série en vrai. Mais bon. Complètement, à part les acteurs qui jouaient dedans. Ouais, bon, ça après, ça fout. Désolé. Sorry. Mais bon, du coup, lui, c'était vraiment un méchant très réussi. Au numéro 2, j'ai mis le Zec. De Jack Reacher, qui mange des doigts. Et oui, qui s'est coupé les doigts, là. Est interprété par Herzog, quand même. Ah oui. Qui est quand même un sacré metteur en scène, réalisateur que j'aime beaucoup. Mais ce méchant, il est vraiment méchant. Et en plus, à la fin, il a presque gagné. Mais oui. C'est ça aussi qui fait un bon méchant. C'est pas un méchant qui est juste méchant, il perd. Là, il a presque gagné et il perd parce que Jack Reacher, il est complètement taré. Il le tue sur place. Mais voilà, il est un peu terrifiant, mystérieux. Oui. On le voit pas beaucoup en plus, du coup. Il est impitoyable. Il a un accent, parce que l'accent, quand même. Ça joue. Ça joue. Mais c'est pas quelqu'un qui joue avec accent, c'est un vrai accent. J'aime bien. Bravo. Bravo les Zec. Et number one, je suis obligée de dire Lord of Darkness, Legend. C'est Tim Curry, quoi. Mais c'est Tim Curry, il est drôle quand même, c'est méchant. Très bon, avec la jambe de chèvre à un moment qui sort. Franchement, il est inoubliable. Je sais pas, il a un truc, il est drôle. Il est vraiment méchant, un peu cartoon quand même. C'est vrai. Mais il est vraiment très bien. Un masque et tout, le maquillage, tout le maquillage, il est ouf. C'est vrai. Les comédiens, il est ouf. Donc on ne peut pas ne pas lui dire bravo, bien, chapeau. Bravo Tim Curry, bravo The Lord of Darkness. Lord of Darkness. Bravo Serena, et merci. Et à demain.